Chapitre 14. De quelle façon je suis que les perroquets se reproduisent en France. Je n'ai pas besoin de vous dire que Mademoiselle des Garcins et Buva n'étaient point encore baptisées. Mon habitude étant d'appuyer les noms, surnoms et sobriquets de mes commensaux sur des qualités ou des infirmités physiques ou morales. Ils s'appelaient tout simplement la Guenon et la Rat. Eh vite, Michel, dis-je en entrant. Voilà de la pratique pour vous. Michel accourut et reçut de mes mains la cage de la Guenon et le sabot du perroquet, d'où la queue sortait comme un fer de lance. J'avais substitué un sabot qui m'avait coûté 3 francs, au perchoir qui me revenait à 20 sous. Tiens, dit Michel, c'est la Guenon calitriche du Sénégal, Cercopithecus saboea. Je regardai Michel avec le plus profond étonnement. Que venez-vous de dire là, Michel? Cercopithecus saboea. Vous savez donc le latin, Michel? Mais il faut me le montrer dans vos moments perdus, alors. On ne sait pas le latin, mais on connaît son dictionnaire d'histoire naturelle. Ah, sapristi! Et cet animal-là, le connaissez-vous? Lui demandai-je en tirant le perroquet de son sabot. « Celui-là, dit Michel, je crois bien que je le connais. C'est l'ara bleu, Macrocercus ara rauna. Ah, monsieur, pourquoi n'avez-vous pas rapporté la femelle en même temps que le mâle? Pourquoi faire, Michel, puisque les perroquets ne se reproduisent pas en France? Mais justement, c'est là que monsieur se trompe, dit Michel. Comment? L'ara bleu se reproduit en France? Oui, monsieur, en France. Dans le Midi, peut-être? Non, monsieur, il n'y a pas besoin que ce soit dans le Midi. Où cela, alors? À Caen, monsieur. Comment à Caen? À Caen, à Caen, à Caen! J'ignorais que Caen fût sous une latitude qui permit toi, rat, de se reproduire. Allez me chercher mon bouillet. Michel. Michel m'apporta le dictionnaire demandé. Cacus, ce n'est pas cela. Cadet de Cassincourt, ce n'est pas cela. Caducé, ce n'est point cela. Quand? Vous allez voir, dit Michel. Je lus Cadomus, chef-lieu du département du Calvados sur l'Orne, et Laudon, à 223 km ouest de Paris, 41 876 habitants. Cour royale, tribunal de première instance et de commerce. Vous allez voir, dit Michel, les perroquets vont venir. Collège royal, faculté de droit, académie, vous brûlez. Grand commerce de plâtre, sel, bois du Nord, pris par les Anglais en 1346 et 1417, repris par les Français, etc. Patrie de Malherbe, Télefèvre, Choron, etc. 9 cantons, Bourguebus, Villers-Bocage, etc. Plus Caen, qui compte pour 205 communes et 140 435 habitants. Caen était la capitale de la Basse-Normandie. Voilà tout, Michel. Comment, il n'est pas dit dans votre dictionnaire que l'ara raunia, autrement dit l'ara bleu, se reproduit à Caen? Non, Michel, cela n'y est pas dit. Eh bien, voilà un joli dictionnaire. Attendez, attendez. Moi, je vais aller vous en chercher un et vous verrez. En effet, 5 minutes après, Michel revint avec son dictionnaire d'histoire naturelle. Vous allez voir, dit Michel en ouvrant son dictionnaire à son tour. Péritoine, ce n'est pas cela. Pérou, ce n'est pas cela. Perroquet, c'est cela. Les perroquets sont monogames. Vous qui savez si bien le latin, Michel, savez-vous ce que cela veut dire, monogame? Ça veut dire qu'ils peuvent chanter sur tous les tons, je présume. Non, Michel, non, pas tout à fait. Cela veut dire qu'ils n'ont qu'une épouse. Ah ah, fit Michel, c'est parce qu'ils parlent comme nous, probablement. Voyons, j'y suis. Longtemps, on avait cru que les perroquets ne se reproduisait point en Europe. Mais les résultats ont fait preuve du contraire, etc., etc., sur une paire d'arabes bleus qui vivaient à Caen. À Caen, vous voyez bien, monsieur. Ma foi, oui, je vois. Monsieur Lamouroux nous fournit les détails de ses résultats. Voyons les détails de monsieur Lamouroux, Michel. Michel continua. Ces arabes, depuis le mois de mars 1818 jusqu'au mois d'août 1822, ce qui comprend un espace de 4 ans et demi, ont pondu 62 œufs en 9 pontes. Michel, je n'ai point dit que les arabes ne pondaient point. J'ai dit, dans ce nombre, continua Michel, 25 œufs ont produit des petits, dont 10 seulement sont morts. Les autres ont vécu et se sont parfaitement acclimatés. Michel, j'avoue que j'avais de fausses notions à l'endroit des arabes. Ils pondaient indifféremment dans toutes les saisons, continua Michel, et leurs pontes ont été plus productives dans les dernières années que dans les premières. Michel, je n'ai plus rien à dire. Le nombre des œufs dans le nid variait. Il y en avait jusqu'à 600. Michel, je me rends, secouru ou non secouru. Seulement, dit Michel en refermant son livre, monsieur sait qu'il ne faudra lui donner ni amandes amères, ni persil. Les amandes amères, je comprends cela, répondis-je. Elles contiennent de l'acide hydrocyanique, mais le persil. Michel, qui avait laissé son pouce enfermé dans le livre, rouvrit le livre. Le persil et les amandes amères, lut-il, sont pour les perroquets un poison violent. C'est bien, Michel, je ne l'oublierai pas. Je l'oubliais si peu que quelque temps après, comme on m'apprit que M. Persil était mort subitement, je m'écriai « Ah, mon Dieu, il aura peut-être mangé du perroquet !» Par bonheur, la nouvelle fut démentie le lendemain.